Cantique chapitre 6. Où est allé ton bien-aimé, ô la plus belle des femmes? De quel côté est allé ton bien-aimé, et nous le chercherons avec toi. Mon bien-aimé est descendu dans son verger, au carreau des drogues aromatiques, pour paître son troupeau dans les vergers, et cueillir du muguet. Je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi, il paît son troupeau parmi le muguet. Ma grande amie, tu es belle comme Tirsa, agréable comme Jérusalem, redoutable comme des armées qui marchent à enseigne déployée. Détourne tes yeux qu'ils ne me regardent, car ils me forcent. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres, comptons lorsqu'elles sont descendues de Galaad. Tes dents sont comme un troupeau de brebis qui remontent du lavoir, et qui sont toutes deux à deux, et il n'y en a pas une qui manque. Ta tempe est comme une pièce de pomme de grenade dedans de tes tresses. Qu'il y ait 60 reines, et 80 concubines, et des vierges sans nombre. Ma colombe, ma parfaite, est unique, elle est unique à sa mère, à celle qui l'a enfantée, les filles l'ont vue, et l'ont dit bienheureuse, les reines et les concubines l'ont louée, en disant. Qui est celle-ci qui paraît comme l'aube du jour, belle comme la lune, brillante comme le soleil, redoutable comme des armées qui marchent à enseigne déployée? Je suis descendu au verger des noyers, pour voir les fruits de la vallée qui mûrissent, et pour voir si la vigne s'avance, et si les grenadiers ont poussé leurs fleurs. Je ne me suis point aperçu, que mon affection m'a rendu semblable au chariot d'Aminadab. Reviens, reviens, ô Sulamite, reviens, reviens, et que nous te contemplions. Que contempleriez-vous en la Sulamite? Comme une danse de deux bandes.